Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Info pour la semaine du 7 au 13 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis qui va co-animer les Palmarès Info avec moi pour le reste de la session et au-delà, espérons-le. Hein? Ah, ça serait plaisant. Ça serait le fun. On va aussi avoir Maxime Tanguay avec nous dans ce trio infernal. Ça va être l'envers. Mais il va arriver un petit peu en retard parce qu'il y a un cours jusqu'à 15h le jeudi, qui est la case horaire en direct de notre émission, tous les jeudis entre 15h et 18h. Et là, c'est la première de l'année 2013. Première émission, on n'a pas fait d'émission depuis 3 semaines. Hey, c'était long, hein? 3 semaines comme ça, là? Très, très long. On a eu entre-temps la compilation C'était fou en 2012, que j'espère que tout le monde a savouré les 15 fois qu'elles ont joué. Ben, très honnêtement, je dois l'avoir écouté 4 fois, là. Ben, c'était à peine le tiers de ce qui a joué en ondes à la radio, tout ça. Si tu l'écoutes 4 fois. C'est ça, équipe de 3 personnes. Donc, on va avoir plein de plaisir en ondes. Tout ce qui se passe hors ondes, faites bien attention parce qu'on risque de l'amener en ondes. Ben oui, je vais faire attention à ce que je dis, hein? C'est ça, surveille-toi. Donc, si on recule un petit peu dans le temps pour voir ce qui était numéro 1 à la mi-décembre du côté anglophone, le numéro 1, c'était I'm Just Me de Diamond Rings. Et du côté francophone, c'était Exercice des 3 accords. On ne sait pas si c'est encore au sommet. Peut-être que ça a tenu pendant le mois au complet. Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à croire qu'on va avoir des belles surprises. J'espère. Un petit ménage minuscule a été fait, c'est-à-dire qu'il y a 4 nouvelles pièces dans le palmarès. Du côté anglophone, plus tard, il y aura The Dark Horse, The Darkness et White Horse. C'est comme un petit mélange. Si je faisais un super group, ce serait The Dark Horse. Est-ce que tu vas faire jouer les deux en même temps, une par-dessus l'autre? En train de galoper et tu sais. Hey, swing. Soyons fantaisistes. Ah, je veux pas penser à ça, des affaires de sexe chez les chevaux, moi. The Darkness et White Horse, on aura aussi Peter comme nouvelle entrée en francophone. Par contre, on va commencer avec la 20e place qui est aussi nouvelle. Oui, c'est L'Échiquier de Olinéa. C'est au palmarès, c'est fou. Tout de suite. Oh oui. Oh. I'm Numéro 19. Nouvelle entrée. Don't matter, she's a wrecking ball.

The Darkness avec... la pièce Sweet Spirit Fade Out. OK. Une autre affaire? Ouais, décide-toi, tu sais. Parce que, si mettons... une belle note fin, c'est la tune d'après. Voir si ça finit pareil, ça. Non, OK, puis l'autre après, mettons. Jusqu'à temps constant, OK? Jusqu'à temps constant. Il en reste une, juste celle-là. Hein? Comment? Ouais. C'est la fameuse finale rock. Tu sais que la finale de la toune est plus longue que la toune elle-même, là. Ça m'énerve tellement, déjà. Qui parle, là? Oh, hey, Maxime Tanguay! Allô! Salut! T'es ouais, trop préoccupé. Pendant que vous classiez le palmarès, je me suis introduit discrètement dans le studio. C'est comme un photobomb, mais c'est un radiobomb. Bam! Avec une grimace. Ouais, tu vas faire des grimaces tout le long de l'émission, finalement? Tout le temps, oui. Mais juste pour vous, parce que les gens ne le verront pas. Non, je pourrais essayer d'associer un bruit à mes grimaces, parce que ce sera probablement terrible. Fait que je ne le ferai pas. Mm-hmm. Voilà. Mettons, fais-en une. Bonjour, vous! À peu près. Fail! Fait que vous imaginez que je faisais une phase d'Apollon. Je suis totalement séduite, là. Je vois ça. Elle tombe sous le charme, instantanément. Comme vous, à la maison, vous allez tomber sous le charme de la nouvelle équipe des Palmarès. Vous avez donc reconnu Maxime Tanguay. Hey, bonjour. Salut. Qu'on connaît, entre autres, pour plein de choses qu'il a fait. Il était improvisateur dans la Luitre. Ben oui, dans la Lime aussi. Oui. Et d'ailleurs, rapidement, ceux qui nous écoutent en direct, c'est la Luitre ce soir, exceptionnellement jeudi, pour un match spécial. Donc, je vais juste plugger ça dans la face du monde puis profiter de votre présence en onde. Mais oui, je fais plein de choses. Oui, t'as animé plusieurs émissions assez fous. Oui. Nommons-en, t'as nommé. T'as animé une critique musicale. Oui, l'examen final de l'automne dernier. J'ai débuté avec les Betteraves Hurlantes à l'époque avec le cher Alex Drouin. J'ai fait tout lien. Il y a une émission qui s'en vient qui est en chantier présentement et qui devrait débuter les lundis soirs d'ici deux semaines. C'est votre émission de retour à la maison que j'ai entendu. Exactement, ça. Exactement. Mmh. Ouais. Et puis, c'est pas Cancun. C'est pas le fameux C'est pas Cancun. Et je vais tenter encore d'attirer Pascal dans mes griffes et de refaire une autre saison de C'est pas Cancun, mais. Je suis pas certain. On verra bien. C'est rendu un homme accompli qui a un emploi et tout. Donc, on verra bien. On va suivre ça. Et Stéphanie Paradis, on l'a rencontré en début d'émission tantôt. Tu as fait l'introduction avec moi. Par contre, on n'a pas vraiment parlé de qui t'es, toi. Mais non, qui suis-je? C'est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Ben oui. Disponible partout sur le campus du QTR. Plusieurs commerces à Trois-Rivières, etc., etc., etc. Un journal qui frappe. Oui. Oui. Parce que ça vous concerne. Wow. Oui. Tous. Tous. Tous. T'es aussi chroniqueuse à l'Assemblage requis. Tu fais la chronique Zone Campus et une nouvelle chronique commence mercredi prochain. Ben oui, je vais aller vous trouver puis je vais dire des niaiseries avec vous autres. Les petits bonheurs! Les petits bonheurs! Est-ce que j'avais le droit de dire le titre de la chronique en nom? Ben, même si je te disais non. C'est qui allait, Michel? Prenez pas toute la place, là, non plus, là. Hein? Bon, on est trois là-dedans, par égal. Hein? Chacun y met son nom dans son vin. Oui, je saurais pas quoi dire de plus à ça. Ben, tu fais bien, parce que moi non plus. Voilà. Donc, on vient d'entendre un bloc de nouvelles entrées. Ça commence à faire longtemps, mais on vient quand même de l'entendre. On a entendu en 19e place The Darkness avec Street Spirit Fade Out. Ah oui! Avant ça, 19e Franco. 19e Franco, c'était Peter avec une version améliorée de la tristesse. Mm-hmm. Avant ça, en 20e anglophone. On avait Jane avec White Horse, plutôt avec Jane. Mm-hmm. Voilà. Et on a débuté avec Oulinéa et L'Échiquier. Voilà. En passant, Sweet Spirit Fade Out, on mentionnait pendant, on ne mentionnait pas en nombre, fait qu'on l'a pas mentionné, mais on jasait, que c'est une reprise de Radiohead. Oui, la chanson qui ferme l'album The Bends de Radiohead, qui est leur deuxième album paru début 90 ou dans les environs. Ils te l'ont-tu massacré ou... Solide. Désolé, parce que j'adore Radiohead. J'adore en plus cette chanson-là particulièrement. Et je trouve tellement que toute la charge émotive qu'il y a dans la chanson fait juste se transmettre par un chanteur qui est capable de chanter haut. Là. Moi, c'est juste... Ça fait vraiment mal. Ouais. Si vous avez moindrement apprécié le message qu'on capte véhicule. Pas tellement avec la version de The Darkness, mais allez écouter la vraie version, honnêtement. Là, c'est juste pour redonner un petit aperçu, juste pour voir comment c'est calme, l'original. T'sais? C'est calme. Et le vidéoclip est d'autant plus incroyable. Le vidéoclip de Radiohead, dans le fond, pour cette pièce-là. Allez voir ça. C'est une sorte de... C'est très artistique comme rendu. C'est en noir et blanc. Et c'est souvent des variations de vitesse dans la même image. Donc, on voit Tom York qui saute au ralenti alors que quelqu'un en dessous va aller en accélérer. Va donner des coups de bâton. en accéléré. Lui, il les évite au ralenti. C'est vraiment particulier. C'est très, très beau. Bonne idée. Allez voir ça. J'aime ça. Sinon, ce qu'on pense du reste des pièces, comme on le fait d'habitude, là, Peter, c'est immanquable. Hein? Chaque chanson est un succès instantané sur les palmarès de Sifu. Je pense que c'est évident. Olinéa, il crie beaucoup moins que dans leur précédent album. Il me semble, Olinéa, ça varge tout le temps. C'est tout le temps un gars qui crie, puis l'autre qui est super calme. C'est comme à moitié pop, à moitié genre, je dirais pas métal, parce que ça va offusquer les fans de métaux. Des différents métaux. Mais bon, ça crie moins, j'aime ça. J'étais pas un fanatique du criage. White Horse, je sais pas si la deuxième pièce Jane va être un aussi grand succès que leur Devil's Got a Gun, leur première. La barre est haute parce que Devil's Got a Gun, c'était ma toune. Donc, j'ai hâte de voir si je vais accrocher autant avec celle-là. Bonne chance, mettons. Oui. Je penserais pas que ça soit. Je dirais pas que c'est un One It Wonder, là, mais disons que c'était leur gros canon. Vont-ils avoir une deuxième chance? Pas sûr. C'est jamais. On y va avec les 18e places maintenant du côté anglophone. Ce sera Grizzly Bear et Yet Again, mais on débute du côté francophone. Là, on va se mettre dans le comment faire la 3 pour transitionner vers les pièces. On va jongler là avec les chansons. OK. Vas-y avec le nom de la pièce. OK, la pièce, Beltan. Et le groupe Noeem. Pas sûr que ça va marcher comme ça, moi. Non, hein? Non. Au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ah, j'ai ça revenait de même, mais... Tu sais, quand il y a du nouveau, tu commences à faire des gaffes tout le temps. Mettons que cette fois-ci, je mets l'excuse sur le fait que c'est nouveau, alors que je fais des gaffes à toutes les semaines. Je vais juste mettre la bonne pièce. Ah, c'est une bonne idée. Tu vas la reconnaître, là. Ah oui, c'est ça. Ah oui. L'autre, c'était pas ça. Mm-hmm. On s'habitue, tu sais. Bosque de sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande dans ta clairière de Poséidon. Dans la forêt où le fond de drame, tout près du lac de la dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Viens réchauffer tes allumés, rêve-tu brasé de l'homme étoilé. Écoute les incantations de ta licielle breton. Reviens avec moi vers Wicca, faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en savants et vivants comme des sylvains. Étrange rituel. Ouvre-toi libre et tes offrandes dans la clairière de Procellion. Numéro 18. Viens, viens, moi Fire et Yet Again. Position numéro 18, ça descend de 15 places, mais ça fait 7 semaines que c'est là. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, c'était Belle. Avant, plutôt, c'était Belle Tan et du groupe Noeem. Mm-hmm, mm-hmm. Mais ça, c'était le bloc des 18e positions. On va sauter par-dessus plein de choses, mais avant ça, on jasait. La batterie, je pense, intéressait bien gros Maxime Tanguay dans cette pièce-là. Oui, mais je suis batteur. En fait, t'es dans batteur? Vie. Oui, je joue de la batterie c'est pour violent? Vrai. Donc, non, violent. Pas de femme. OK, de percussion. De percussion. T'es batteur de percussion. Je bats mes percussions, oui, quand ils font pas à vaisselle, je en sac une mou. Et non, je joue de la batterie. Je suis en manque de batterie, d'ailleurs, ces temps-ci, étant donné que je vis dans un 2,5. Mais cela dit, c'est un bijou, cette pièce-là, pour n'importe quel batteur ou percussionniste, parce qu'il y a tellement de jeux de percussion, comme ce que je te faisais dans les airs, puis tu me faisais une face avec un point d'interrogation. Oh, ouais. C'est un son de percussion, t'entends un percussion un peu métallique, okay, que t'entends dans le deuxième couplet, en arrière-scène. Et juste la finale qui est juste incroyable. C'est grandiose. Tu es entraînant, tu m'as vu danser. Moi, il voilà. Se faire aller la chevelure. Ah oui. Oui, j'ai une chevelure de feu. De feu. C'est beau. Tout à fait. Ça nous a amené à parler de Rock Band et Guitar Hero tantôt. Le Colin, qui a des fois, c'est honteux. Hein. Tu sais, à un moment donné, tu joues à Rock Band, tu abandonnes la pièce en cours de route, mais apparemment, moi, j'ai appris que tu n'es pas supposé faire ça. Ben non, faut que tu continues jusqu'à temps que la chanson qu'elle te débarque, je sais pas comment ben ça marche. Ben, c'est que tu as le droit d'aller en dessous d'un certain pourcentage d'efficacité. Ouais. En abandonnant, ben, toutes tes notes passent dans le beurre, fait que tu l'atteins plus rapidement que si tu essayes quand même que tu pognes une note de temps en temps. J'ai fait rire de moi, ça. J'ai appris ma leçon, là. Hein? Que t'es pas bon au drum. Je suis pas bon dans grand chose, mais ouais, parce que. Non, mais des jeux vidéo, là, on s'entend. Drum, guitare, je suis pas meilleur là, à la guitare. Là. Mais au moins, c'est moins pire que d'avoir à faire la pédale en même temps. Donc, t'as pas de rythme, c'est pas ce de rythme. Que je comprends. Okay. C'est ça. Okay. Moi, la guitare, c'est le contraire. Il n'y a personne qui veut jouer avec moi parce que je l'ai fait tout abandonner. Mais on n'a pas le droit, c'est fini, de donner des coups avec l'instrument pendant qu'on joue. C'est interdit. C'est écrit où? OK. Ah! De toute façon, t'es une fille, fait que va faire de la batterie de cuisine dans la cuisine, non? Non, mais il blague sexiste, quelque chose comme ça. Non, mais je fais mon controversé, là. Mais blague à part, la majorité des filles en musique vont souvent jouer de la bass. Je sais pas pourquoi, là. Ah! Mais les Smashing Pumpkins, Silver Sun Pickups, quasiment. À chaque fois qu'il y a une fille dans un groupe, je vous dirais que, mettons, 4 fois sur 5, c'est à la basse qu'on la voit. C'est bizarre, hein? Ben, si je jouais j'irais pas ça. Jouer de la ouais. Basse. Vous avez je serais full stéréotypé. Je jouerais de la basse. Ah. Ça t'irait bien, je t'imagine. Ah, avec ouais, on t'imagine bien avec. Vous la voyez pas à la maison, mais c'est pas grave. Nous autres, on la voit, puis on la voit pour moi, puis ça fait. Non, je vais m'y mettre. J'hésitais en dessous, puis l'accordéon. Bon, ben, donc le jour où l'équipe du palmarès va se faire un band de musique, on sait déjà que Stéphanie va jouer de la basse. Je pensais que tu voulais faire de la harpe juste pour pouvoir dire harpiste. Tu sais, je suis harpiste. Harpiste partout. Harpiste surtout. Je pense que tu te laisses, non? Ben, okay. C'est, ouais. Ben, tu peux passer pour une harpie aussi, ça, c'est pas le fun. Ah! Ou un charpie comme mon crayon. Oui. Et là, on tourne en rond. on saute par-dessus les positions 17, 16 et 15. Du côté anglophone, en 17e, c'est Hannah Georges avec Enemies. En 16e, Ringo Dead Star avec Rip. Et en 15e, c'est Hey Rosetta avec Carry Me Home. Du côté francophone, qu'est-ce qu'on saute, Stéphanie, mettons? En 17e, on saute Entre ici puis chez vous de Bernard Adamus. En 16e, Roméo et Joliette avec. Non, de Madame Moustache. Et les frères Goyette avec Tabac d'Orchestre. Mm-hmm. On va aller aux 14e place. En anglo, il y aura Metric plus tard, mais on débute en 14e francophone. Avec Lisa Leblanc qui passe sa vie dans un motel. À manger du crab dinner avec du beurre. Et voilà. C'est ça. Puis à se plaindre. À se plaindre. Fait rien que ça. Ben là, moi, je suis contente. J'aime ça. Profites-en. C'est des palmarès, c'est fou. Senteur de clope, tapis orange, détendu. Tâche louche hydrate, tâche encore plus louche, je suis blanchi. Showerhead qui hang, plus de pression dans la douche. Savon parfumé qui sent les années 80. Mur en bois castor, wallpaper fleuri déchiré. Le ceiling leak depuis une couple d'années. Je me demande comment l'entend que ça fait que les mouches sont sur le plancher. Vive les vacances, puis les motels cheap sur le bord du highway. vacances, pis les motels cheap sur le bord du highway. Oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Numéro 14. Speed the Collapse, position numéro 14, ça monte de 3 places, c'est en anglophone. Oui, et en francophone, on a eu droit à Motel de Lisa Leblanc. Lisa Leblanc, elle, qui est très stable, en fait, dans ses positions. Elle aime ça le 14. Oui, et on rejoint sur le, on rejoint sur le terrain notre seul fan de Lisa Leblanc, assez fou. Non, c'est pas... Steph? Ben oui, on dirait. Non, Alexandra me supportait. Alexandra aussi, je confirme. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et de deux. Il y a Annabelle Maton, mon amie. Trois, d'accord. Hein, on fait trois. Bon, mais personnellement, je suis pas prêt de gagner, moi, là. Mais c'est intéressant. Je veux dire, Lisa Leblanc a un style qui est intéressant. Moi, personnellement, ça m'énerve, mais... Ouais. C'est original. C'est original, puis j'ai jamais de problème à en entendre à la maison ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce qui est gossant, c'est que tout le monde, tout d'un coup, aime ça. C'est juste ça qui est fait. Il y a des choses comme ça qu'on sait pas trop d'où ça vient, tu sais, un peu comme, tu sais, mettons Mumford and Sons. Oui, tout à fait. Of Monster and Men, qui est un peu le même principe d'espèce de groupe que aurait une qualité, mais là, on se met tellement à les aimer soudainement que moi, malheureusement, dans le cas de Mumford, je trouve que c'est ce qui est arrivé, qu'en fait, ah, vous aimez ce qu'on fait, on va faire tout le temps ça. Ouais. Je trouve qu'ils ont déjà stagné après deux albums, mais. On peut espérer que le mieux pour Lisa Leblanc, qu'elle va se relever de cette popularité soudaine, qu'elle va faire de quoi de... Qu'elle commence par se relever de son divan et arrêter de se plaindre. Hein? Ben c'est ça, hein? Lâche tes Cheetos, puis... Ah, c'est pas fait. OK. Non, donc, j'ai beaucoup de respect. Énormément. On a rempli que de ça, du respect. Ben oui. Oui. Donc, c'est au Palmarès C'est Fou, qu'on lance la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et puis, tout à l'heure, plus tard à l'émission, je ne l'ai pas mentionné depuis le début et je pense que c'est un manque flagrant ici de prévision. Là. Mais plus tard, on aura Justine Renaud. Oh! Chroniqueuse hors pair et hors mère. Je ne sais pas, j'imagine qu'elle est sortie plus de sa mère que de son père. Je ne sais pas. Ben, en tout cas, je le souhaite à son père. Oui. Sinon, il est slack en tabarnouche. Son père, il est slack. Oh boy! Je m'en allais où avec ça? J'ai ailleurs que là, probablement. Ça connaît que les tartines de Justine s'en viennent plus tard dans l'émission. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Voilà. Yeah. C'est le plan de l'émission d'aujourd'hui avec 48 minutes de retard. On va aller aux prochaines positions. Avant ça, non, ça me ramène une anecdote. Tu sais, avec la nouvelle formule avec trois personnes, on s'était dit, tu sais, on va amener des affaires en onde, tu sais, comme pour se rendre vraiment auto-divertissant. Tu sais. Justine Renaud te rappelait le nom d'une copine d'un copain à toi. Oui. Pas ton chum. Oui, non, mais ouais. le dit Alex Drouin, dont j'ai parlé tantôt, ouais. Avec qui j'ai animé au Betterave Hurlante et Toutoulien, entre autres, aussi. Sa copine s'appelle Justine. Ouais. Et moi, je m'amuse à l'appeler Youstine. Ou Youstine, tout dépendant de okay. Si à quel point je fais l'anglais ou pas. Variant. Et Justine vient de la Guadeloupe. Mais pas et a le teint basané. Mais ouais. C'est la Guadeloupe en Beauce. Il y a une ville qui s'appelle la Guadeloupe. Pas juste Guadeloupe, là. Non, c'est la Guadeloupe. Guadeloupe. Donc, d'ailleurs, on salue les gens de la Guadeloupe. Et peu importe quelle Guadeloupe. Oui, les deux Guadeloupes. Les deux Guadeloupes. Et voilà, donc, elle, qui est déjà un teint naturel un peu basané, peut faire croire à peu près n'importe qui qu'elle vient de la Guadeloupe, le pays, ouais. Plutôt que de venir d'une ville. Comment s'appellent les gens qui viennent de la ville, la Guadeloupe, en Beauce? On sait pas ça, tu sais. Je serais porté à dire des fatigants, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Des Guadeloupéens. Guadeloupiens. Guadeloupelois. J'ai comme un DL de trop, Guadeloupelois. Mais je me mets là-dessus. Je vous trouve ça, en fait. Je vais vous trouver comment c'est quoi le patronyme qu'on dit? Gentilé. Gentilé. Le gentilé. Comme voilà. La crème, là. Ouais, voilà. Gentilé. La crème gentilé. Gentilly. Chantilly. Non, là, à 2 degrés de séparation. Ça, gentilly, là, gentilly, c'est comme plus l'usine. OK. C'est nucléaire. Oui, oui. Elle fait aller son bras sur le côté comme quoi? C'est la fumée qui sort de l'usine, ça, c'est quoi? Non, mais je pointe en direction de... Ah, vers l'ouest. Mais je vous dirais, fais attention quand tu pointes une direction. Je suis en géographie. Oh! Et je vais pas te dire que tu ne pointes vraiment pas au bon endroit. Ouais, mais moi non plus, je suis pas bonne en spatio-temporaire, les points cardinaux et... Non, mais fermé comme ça, je sais pas, là. On est dans une boîte ici, hein? Le studio, c'est fou. Non, sud-est-ouest, là, présentement. Là. Ouais. Donc, tu peux pas me dire Trois-Rivières est où par rapport à Montréal, tu pourrais pas me dire. Ben là, oui, ça, c'est à l'est. Non. En plus, au nord-est. Ben oui, mais là... Mais en tout cas, moi, je prends 40 S, fait que je m'en vais à l'est. Okay. Recalcul de l'itinéraire. Ça, c'est mon GPS qui dit ça tout le temps. C'est-tu fatiguant, ça, recalcul de l'itinéraire? Bon. On est rendu aux positions numéro 13 du côté anglophone. Ce sera The Vaccines avec No Hope qui descend de la 8e place. Et du côté francophone, on va entendre Batiscan de Kid Kuna. Farou et la Batiscan. Batiscan, là, c'est du même bord que... Par là. Une chance, moi, t'es à la radio. Hein? Je prends pas de chance, là. Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, pis je cours tout le temps. Pis tu sais bien que je suis pas fort, ces prières. Sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles. Pis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir, j'ai le cœur dans bouteille. Pis le moton qui passe pas frein. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver. Pis que ben vite, ça va être le printemps. Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche. Pis que je m'envoie de sécu, ça batisquant.

tried to second guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, but I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're 24 and you're bored and don't know you, I know, but there's no hope, and it's hard to come of age. I think it's a problem, does it ever go away? I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no hope, and I hope it's just a phase. The Vaccines et No Hope, position numéro 13, se descend de la 8e place en anglophone. Et en francophone, on avait Batiscan de Keith Kuna. Mm-hmm. C'est la fin de la première heure des Palmarès et Fous. On revient tout à l'heure avec, entre autres, Chinatown, Willie Byrne, c'est bien ça, oui. Gas and Lamp Stars, Diamond Rings, Machine Gun Susie. On a aussi Justine Renaud, Houston. Langoustine aussi, on pourrait l'appeler. Langoustine. Je sais pas si elle se faisait bien garnir de jeux de mots lors de sa jeunesse. Ben, je sais pas, là, c'est pas tout le monde qui trouve des jeux de mots avec Justine. Je fais tout le temps ça, je suis fatiguant. Ben, c'est une non. C'est charmant. C'est ça. Oui, ça fait ton charme. Écoute, ouais, ben sinon, il resterait plus grand-chose. Moi, j'ai... Je me prononce pas. Non, c'est bien. Je suis comme la Suisse, moi, je suis très neutre. T'es plein de trous? Ah, oh, pas le fromage, là. Non, le pays. Le pays. Tu pues. Restez là, les palmarès et fous reviennent dans 2 minutes à peine. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et Maxime Tanguay. Hey, le trio au complet dans l'ordre, pas de priorité, mais de place dans le sens des aiguilles d'une montre. Exact. Mettons, on est comme la Triforce. Oh oui. Oh. Ouais. Ou Power Rangers, mais... Moi, je vais être la rose. OK. Bon, ben c'est réservé. On va noter ça. On prend ce qui reste, nous autres. On sait pas les couleurs des autres. En fait, oui. Tu peux prendre la palette de couleurs. Jaune, vert, noir. Noir, bleu, rouge. Mais le noir, le gars noir, t'es pas noir. T'es pas bien noir, le gars noir. Le noir, t'es en noir? Exact, oui. Mais ça dépend. Mais là, écoute, ils sont rendus à... genre Power Rangers samouraï de l'espace, là. Je sais pas quoi, là. Mais à l'origine, t'avais les 5 Power Rangers, c'était Zach qui était noir, t'avais Trinity qui était jaune, Jason qui était rouge, Billy qui était bleu et la rose Kimberly, me semble. Wow! Et t'as plus tard Tommy qui embarque dans la gang qui est vert. Trop de connaissances! Je me sens solide et incube, là. Oui, ben, moi, je connais juste les couleurs. Et d'ailleurs, anecdote rapide, celui qui jouait Tommy est rendu un champion dans la UFC, dans un circuit UFC. Ultimate Fighter, genre. Oh, ouais. Il paraît qu'il nous ramasserait tous juste en nous regardant, là. Eh ben! Ben, Colin, j'aurais jamais pensé en apprendre autant sur les Power Rangers dans les palmarès, c'est fou. Et une autre affaire, je peux vous apprendre aussi, Power Rangers. La première version, tout ce qui était combat était tourné au Japon. Ouais. Nous, les scènes qui étaient tournées aux États-Unis, c'était uniquement les scènes où ils parlaient. Fait qu'il n'y avait pas le choix de modifier leur costumes et leurs affaires aux États-Unis pour fitter avec les séries japonaises. Exactement. Parce qu'il y avait plusieurs. Ouais. Ouais. Donc, il y avait seulement la moitié des Power Rangers qui étaient tournés aux États-Unis. Le reste, c'était tous des footage de... Ah! C'est malade. C'est fou, hein? Fun! fun! On va faire un petit bloc de 4 pièces pour l'instant, parce qu'après ça, on va revenir avec les instants classiques d'assemblage requis. Plus tard, dans le bloc Stars, Gasland Anthem et Willie Byrne, mais on débute en 12e position francophone. Avec Cassez-moi la tête de Chinatown. Bon, là, c'est fou! Où ça, donc? Au 89.1 FM, pareil. Je t'en reviens après. Ok. Je pense que c'est ça. On vérifie, puis... Ok. I could start over again. Let the good night. être intelligent en ce moment même. J'aimerais être vraiment confiant en ce moment même et mériter bien des problèmes et mériter bien des problèmes. Je suis assis à cette table en face de cette jolie femme, mais je ne peux pas me posséder. Je dis la terre tout à l'envers et regarde ses yeux verts. Je dis la terre tout le contraire de ce que je considère une bonne manière d'exercer mon charme. C'était Stars et Backlines. C'était la numéro 5 la semaine passée en anglophone. Maintenant, c'est en 11e place. Bauk! Ça fait mal, hein? Bauk, hein? Bauk. Backlines, c'est comme il a pris le back de la line. Ouais, exact. La line. Tu as dit Alain, hein? Alain. Lino de Line. Ça fait vraiment que l'hockey. Lino de Line! Ouais, ouais, Lino. Ouais, ouais. Tu sais, le nom que quand tu le dis, c'est ta mauvaise haleine, le monde autour, t'es yes, là. Lino de Line. C'est tellement pertinent ce que je dis. Ça va être aussi pertinent que notre blague de Radio Enfer sur Line of the Line dans la saison 1. On se comprend dans Radio tellement Enfer, mais on sait pas. C'est drôle parce qu'on fait de la radio, c'est comme un lien. Oui! Oui! Hey, ben, oui, tellement. L'autre fois, on l'a tellement écouté que l'autre fois, je disais, hey, faut que je passe au local. Non, au bureau. Exactement! Il disait tout à le local, wow, le studio. Ben, ouais. Ouais. Et là, c'est d'associer les employés de C'est Fou avec les oh, oh, qui est Jean-Loup? Oh. Ben, moi, c'est Vincent Gélina, tu sais, le journal. Oui, c'est ça. Mais Carl j'espère juste que vous ne me détestez pas tant que ça. Carl Cacharé. Ouais, je pense qu'on est peut-être mieux pas commencer parce qu'il va y avoir des filles là-dedans. Ouais, ouais. On va avoir des égos de froissés, on va c'est arrêter. Ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a entendu avant Stars? C'était Willie Byrne. Avec Pig. Pig. Ou Psychanalyse numéro 9, P, petit dièse et G. Hein? Oh. 9, 9, pas G, c'est ça. On a aussi entendu Chinatown et The Gaslight Anthem. Tout à l'heure, il y aura La Descente du Coude et Diamond Rings. Mais avant ça, les amis, Friends. Oh. Oh. Qu'est-ce qui s'en vient? Belloc. Comment? Belloc. C'est ami en elfique. Mais je m'égare. Ah oui, oui. Puis là, j'ai vraiment le goût de te répondre en elfique. Mais non, mais en klingon, peut-être? Klingon, vas-y, vas-y. Non, non, hein, c'est pas vrai, je parle pas klingon. Là. Quelle langue tu parles? Ça sert à quoi de parler une langue qui n'existe pas? Ben, qui vient parler sur une planète qui n'existe pas? Ça sert à comprendre au moins 3 gags de Big Bang Theory par saison. Ah! Ben oui. Ah, parce qu'ils sont vraiment bons dans les détails techniques. Eux autres, oui. Ils font attention à leurs affaires. Oui, ils jouaient pas à Trivial Pursuit en avec klingon. Ils jouaient à Roche Papier Ciseaux avec le Spock. Avec les Spock, ouais. Spock. Cool. Cool. Donc, tout ça pour dire. En fait, pas du tout ça, parce que ça veut pas dire ça du tout. On s'en va entendre les instants classiques d'assemblage requis. Vous savez? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir du fun? Ben ça veut dire qu'on va rire pendant un bon 5 minutes. On va se taper ça à la cuisse. Oh, oh, oh, comme on grande gueule. Voici les meilleurs moments de l'assemblage requis pour la semaine du 7 janvier 2013. Et oui, on a passé des vacances de 3 semaines, Wouhou! Presque. Wouhou! Je te l'ai pas souhaité en personne, je voulais faire ça en ondes. Je te souhaite une merveilleuse année 2013, du bonheur. Hein? T'es là en train de voler mes paroles, là, j'ai l'air du gars qui fait juste dire, ben, pareillement. Pareillement, grande. Le mois de janvier 2013, François, je te l'annonce, là, on a mis un petit mot de branding, de marketing. C'est le mois de janvier épique ou janvier épique. On se comprend là-dessus? OK. Donc, une chose nouvelle ou intéressante ou fun ou qu'on n'a jamais fait par jour par le mois de janvier. Maître Lebrun, j'en profite en fait pour vous souhaiter la bonne année en ondes. Ah ben merci François. Que 2013 soit une année merveilleuse. Bon, tu pourras me tutoyer aussi en 2013. Okay. Puis appelle-moi pas Maître. On est un peu formel en début d'année. Bonne année, née de grandeur tout à fait appropriée. Tu sais, pour pas être méchant. Et toi pareillement, belle dent blanche. Je me suis pété une dent pendant les fêtes. Je sais pas, j'ai un bout de dent pété. Ça fait mal. Je le sens quand je parle. Première de la saison, oui, on commence un mardi, oui, on est un petit peu après tout le monde et on finit avant tout le monde, mais on finit par se rendre, on aime ça pareil, tu sais. Ça. Non, mais ça, comme les étudiants. Je l'aime pas, ma voix. Ben oui. Non, mais c'est normal. Là, quelque chose de sexy, là, quand même. Sexy? Quelque chose de sexy. Il fait pas votre. Pas habitué à ça, non, vraiment pas. Je te dirais. Oh boy, toi, quand ta blonde te demande, parle-moi cochon, boy, hein? Ah non, mais il est pas 8h, il est pas 8h le matin. Un chef au Japon a cuisiné et a servi son engin. Ben voyons donc. Ça goûte comme le poulet. Est-ce qu'ils disent à quelle sauce? Je sais pas. Sauce du chef. Une nouveauté par jour pendant tous les jours où on est à l'assemblage requis jusqu'à la fin du mois de janvier, à moins que François veuille venir vendredi, samedi, dimanche pour rajouter à tous les jours littéralement. Non. Non. Quand ils ont criminalisé la pédophilie. Donc les maisons d'édition étaient peut-être plus réticentes à publier. C'est plus touché. Ouais. Littéralement. Ben, littéralement touché. Ben, on se comprend sur une job de pédophilie. Oh, c'est un peu trash. Ouais, désolé. Fait des prédictions pour 2013. On va voir. C'est un pouls. Tu te pousses, tu mets l'argent que tu veux sur la table, tu laisses ça jusqu'à la fin de l'émission, puis on s'arrange. On s'arrange. Je m'arrange. C'est un gars de même d'action, puis de pep. De pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep. Ça, c'est une chanson de McDo. Pa-pa-ra-pa-pa-ra. C'est pas bien. Oui, ça, c'est oui. La descente du coude. Ouais, la descente du coude, voilà. Moi, c'est exact. Du McDo, parce mais que McDo. J'ai faim, pas déjeuner. Toi, François, c'est quoi? Je sais pas, écoute, trop de bonheur. Trop de bonheur. Il est trop de bonheur? Non, non, on parlera pas de Normand Bratois. Non, non, non. Tes amis, les pandas noirs et blancs. Ça, c'est très méchant, un panda. Hein. Ça a l'air super gentil, là, mais à ce qui paraît, c'est très, très, très méchant. Ah, ben. Va pas lui faire un câlin, là. Non, non, non. Je vais aller chercher des images pendant ce temps-là. De panda, j'essaie d'insérer pendant. Ouais. Une semaine sur deux, ça va être une chronique Zone Campus. Bien sûr, celle que j'écris dans le journal que je venais vous présenter avec quelques extras. Oh, du bonus, toi. Du bonus. Parce que moi, à chaque fois, Stéphanie me dit vous pouvez aussi lire la chronique de Sébastien Zut dans le journal. Je dis ouais, puis si vous voulez des détails, écoutez-la à la radio. Ah. Genre de petite pin tout le temps, ça. Elle aime bien ça. Tu avais trouvé un slogan au pire. J'avais trouvé un pas pire. Okay. Slogan. Okay. Attention. Okay. Simon Lumard te déplaît. Oh. Simon. L'humeur me déplaît. On va faire ça. On va prendre bon, ça. Hein? Ouais, c'est vraiment très, très bon. Ah, il est pas pire. Ouais. Moi, ouais. Branding, marketing, tu sais. Il est originaire du Dakar. Quand en français, il me regarde, là, je crois pas le jeu de mots là-dessus, pas trop facile, là, franchement. D'accord. Tu sais, ta minute, là. Le niveau a été élevé depuis plusieurs années avec moi, là. On va pas revenir en arrière, là. Et Mathieu m'a vraiment fait signe. Non, non, non, je le ferai pas. Je l'apprends pas. D'accord. Bon. Don Quichotte avec plus de 40 personnages. Don Quichotte être... comme tiré sur un angle, ben non. Don Quichotte, hein, c'est comme genre le Don Quichotte qu'on connaît tous. Comme la boutique sur la rue Arch. J'ai jamais imaginé que c'est Don Quichotte. Non, non, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est l'émission 498. Hein? 500, ça s'en vient très bientôt. Peut-être y aura-t-il des surprises. Des ballons et des gazous. Oui, si on avait du budget. C'est ce que tu dis que tu vas faire, François? Tu vas aller chercher des gazous? Je vais t'en amener, Matt. Ben, merci, ben. J'étais content de réentendre les drills en arrière de certains de ces extraits-là. Donc, c'est les meilleurs moments de l'Assemblage Rocky pour la semaine du 7 janvier 2013. Mon Dieu, j'ai mal. Oui, en effet. Oui. Dans cet extrait-là, c'était pas... On a même eu droit à l'exemple, c'est bien. Non, mais ça vient du fond du cœur. Oui, c'est rempli d'intention. Mais écoute... C'est ça où je me pète un anévrisme. Fait que j'aime mieux me laisser aller. Mais écoute, je t'invite dans le vaste monde des improvisateurs où on a tous un rire vraiment merdique, mais distinctif. Moi, honnêtement, quand je joue un match d'impro et que je regarde pas dans la salle, je peux te dire qui de mes amis est là juste par les rires que j'entends. Mais ah, ouais, ça, c'est chouette. C'est génial. Moi, ce que j'aime, c'est quand je fais des genres de rires fake ou que les gens font des rires fake par rapport à mes blagues. Ça s'appelle. Ouais. C'est ce qu'on a souvent à Assemblage Rocky, lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même. Oui, et une panoplie de chroniqueurs. Bien évidemment, ils sont les plus importants. J'aurais dû les mettre en premier, là. Tu m'as encore un petit peu volé la parole. J'allais le dire. Bam! Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un rire du genre. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, lundi au jeudi, soyez-y. Tout le monde est là. Tout le monde a sa chronique. Qui veut une chronique, la prend. Et puis, ils prennent leur place. Puis ceux qui la veulent plus, ben il y a la hoche, hein, Max? Ouais. Mais en contrepartie, ils viennent co-animer une émission de 3 heures qui s'appelle Les Palmarès et qui est donc bien enrichissant. À date, on apprend des choses. Hein? Tu peux faire les deux aussi. Ouais. M'en dis pas trop, il fait plein d'affaires. Ouais, là, ouais, je suis occupé. Là. Puis il paraît que j'ai une blonde. Il paraît. Il faut que tu t'en fasses soin. Je vérifie encore. Là, je repousse tout le temps la date de vérification. Je vais vérifier, mais paraît-il que... Ouais. En tout cas, elle a cassé avec nous autres, ça, probablement. C'est elle qui animait l'émission avant toi, tu savais oui, ça? Oui, ben oui. Suivais sa carrière. Je me demandais, t'es où les jeudis de 3 à 6, Caroline? Toi, ça fait je sais pas combien de temps, tu penses qu'elle te trompe? Hein, oui, si bol, elle m'a appelé, m'a m'excusé. Elle parle tout le temps de Mathieu Plante, tout ça. Tabarouette. Ah, pas d'allure. Non. Tout ça pour dire, j'abuse de cette phrase-là, tout ça pour dire, qu'on revient à nos palmarès, à nos deux top 20, le franco et anglo. Et si je me rappelle bien, on était rendu aux positions numéro 10. Tout à l'heure, en anglophone, ce sera Diamond Rings avec l'ancien numéro 1, I'm Just Me. Et en francophone, la descente du coude avec Généalogie. À quelle émission, ça, donc? Ça, c'est... Crazy Countdown. Je fais juste commencer, là. Palmarès! C'est fou! C'est fou! Oui, c'est ça. Hey, je suis une recrue, là. Faut pas me brusquer de même. C'est ça, c'est comme la LNH, on a pris un congé. Exact, ouais. Exact. On parle pas de ça. On parle pas de ça ici. Non, pas du tout. Ouais. Sujet banni. Ben bon, vous pouvez, mais vous allez être tanné de m'entendre. Je n'embarquerai pas là-dedans. OK. Mais tu t'aimes sur ma palette? Perdu ouais. Perdu en pas la vierge contre plaquine qui fume sa la balle au pied, tout en juste pied et ballonné. Obusant, c'est précise, tordu en forme de crise, voyou. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Numéro 10. I'm just me. C'était Diamond Rings et I'm Just Me. Ça, c'est l'ancien numéro 1 du côté anglophone. Et ça a chuté pas mal, ça, en position numéro 10 maintenant avec ce son déplaisant. Aïe, aïe, aïe, mais c'est une guitare. Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce c'est une guitare, un peu ce que t'as abandonné en jouant à une guitare. Et généalogie de la descente du coude qui était en spectacle récemment pendant le cadre des soirées cachées, c'est fou. Oui, évidemment. Prochaine soirée cachée, il se posait d'en avoir une bientôt, là. Ouais, on m'a dit que c'était Metallica qui... Ah. Non, c'est une farce. Je le sais pas. Si c'est le cas, on vous le dira pas, c'est un secret. Exact. On peut laisser tomber les indices, tu sais. Ouais, exemple. Ouais, on peut. Ouais, on peut. On peut. Et oh, vient de m'échapper un, je viens d'en laisser tomber. Bon, parfait. Fait que si vous êtes assez rapide, vous pouvez vous rendre au studio avant qu'on le ramasse. Réservez votre place dès maintenant. Donc voilà, ça c'était les positions numéro 10. On va être rendu au 9e et 8e. On va les écouter pas mal là, je vous dirais. Direct là, là? Ouais. Plus tard, il y aura l'indice Bears of Legend et Machine Gun Suzy, mais on va débuter ça avec l'ancien numéro 1, Franco. Ça veut dire qu'on a deux nouveaux numéros 1. Moi, ça me subjugue. Est-ce que ça se dit? J'imagine. Ouais. Subjugué, oui. Je trouve que c'est une forte émotion pour ça. Mais... Disons, ça me conjugue. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est bien? Ouais, c'est éducatif à la fois. En plus, hein, nous, on a les leçons de mathématiques en disant les différences entre les positions de semaine en semaine. Oui, voilà. Puis en comptant sur mes doigts. Ça manquait de français. Ça manquait de français, c'est ça. Puis speak in English parce qu'on dit tous les noms des tunes en anglais. Hein? Ben, c'est ça, c'est ça. Même les tunes franco, on les traduit. On va entendre exercise, tu sais. De. The three chords. Three chords. Chords. C'est une sorte de chords. Three chords. Chords. Trois accords. Hein. Franchement. Stéphanie embarque un peu. Là. Ben là, pourquoi tu penses que tu me fais dire les francophones? Je parle si bien anglais. Comme une vache de la Guadeloupe. Un autre callback que personne ne comprend. Ouais. Sur ce banc, nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. Numéro 8. Susie has for her. One in her hand by the shore of her heart. numéro 8. Of Legend et The Mornings I've Let You Down. Ça monte de 10 places en 8e position anglophone. On n'avait pas établi un concept de qui revenait tantôt. En revenant, c'est supposé être Maxime. Maxime. Hey, bonjour, je m'appelle Maxime. Je suis co-animateur ou palmarès. Exercice, les trois accords. Exercice, c'est la toune où il y a une envolée à la Wynn Butler. Wynn Butler-esque. Chanteur d'Arcade Fire. C'est pas grave, Mathieu. C'est pas grave. Non, mais toi, tu connais déjà. Tu sais, t'as beau pas animer les palmarès, et moi, oui, jusqu'à maintenant. Alors que là tu commences. C'est comme ta première émission. Ben oui. T'en connais pas mal plus sur la musique que moi. OK, bon, c'est intéressant. Je m'assume. Je risque de revenir là-dessus au courant de la saison. J'aimerais bien ça. Moi, j'aime ça. Justine Renaud, Langoustine, vient d'arriver. Hola, señora. Chichacho. Oh, là là. Chichacho. Si, señora. C'est quoi ce chichacho? Je sais pas, mais je viens de t'appeler femme depuis tout à l'heure. Ah, okay. Ou mademoiselle. Chichacho. Ah non, c'est madame, madame. Signora. Signorita. Signorita. Margarita. Margarita. Moi, je connais juste Cucaracha. Ah, ça, c'est une chocrelle, hein? Ouais, c'est ça. Oui. Je vais facilement survivre si je m'en vais dans un endroit où je parle espagnol. C'est vrai que... La coquelle se mange, donc... C'est ça, Cucaracha, cerveza, puis je suis en business. Voilà. Langoustine puis coquerelle dans la même intervention. Ça, c'est l'imitation de quelqu'un en train de manger une coquerelle, c'est ça? Oui, j'ai écouté Fear Factor beaucoup trop souvent dans mon enfance. Tu sais qu'ils ont ramené Fear Factor récemment à la télé? Pas avec Joe Rogan. Oui, une nouvelle saison récemment, ça a fait un flop total. C'est fini, Fear Factor. C'est pas bon. On a passé à autre chose. Même, tu sais, ils pourraient ramener Benoît Gagnon avec Facteur de risque. Ah, oh, Benoît, mauvais, hey, mon Dieu, c'est horrible. Non, mais c'est une part limitation. Ils voulaient pas faire de gross-out stunts. Ils voulaient pas faire d'affaires où les gens mangent des affaires dégueulasses ou font des affaires, tu sais, se mettent à vomir à l'écran. T'sais, ils voulaient pas faire ça. C'était juste des cascades d'auto. Puis, tu sais, c'est pas aussi le fun que le vrai, là, qui se fait ça. Puis, Benoît Gagnon, on s'entend que c'est pas Joe Rogan. Effectivement. Hein? Les Québécois sont un peu plus mous. Ouais, tu sais, tu peux pas trop en mettre, là. C'est ça. Tu viens d'insulter toute la population en même temps, mais bon. Ben non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, si tu regardes un show américain, tu peux descendre quelqu'un puis vraiment gâcher sa vie, mais si tu fais ça au Québec, ben, tu reçois des lettres de plainte jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais, les stars d'émis, ils sont t'sais, mauvais, c'est vraiment dégueu, mais t'as pas le droit de le dire. Faut relativiser, parce que, tu sais, je veux dire, mou, c'est pas nécessairement un défaut. Je veux dire, un gâteau, on aime bien mieux quand c'est mou. C'est vrai. J'essaie de te sauver. Là. Oui, oui. Même malaise. La chanson a arrêté. Eh bien oui, c'est donc bien silencieux. C'est ça. Ouais. Tantôt, on va avoir Justine Renaud. C'est pour ça que tu es là, tu as ta chronique tantôt, les tartines de Justine. Oui, j'ai mes fameuses tartines qui ont pris du poids pendant le temps des fêtes, bien beurrées. Bon. OK. C'est quoi ça? Même mon horoscope a dit que j'allais engraisser, je vous jure. Dans tous mes horoscopes, je suis Gémeaux. Mesdames et messieurs, si vous êtes Gémeaux, vous allez engraisser avec moi. Everybody's sinking with me. Tout le monde coule avec moi. Merci pour la traduction. C'était très utile. J'aurais eu des plaintes sinon. Je pense qu'on va terminer l'heure ici. On va se retrouver dans quelques minutes avec, entre autres, la chronique de Justine, mais aussi la musique d'Audionaut. Crystal Castles pour Maxime, spécifiquement. Ah, j'adore. J'adore Crystal Castles. Pour vrai. Et plein d'autres choses. On vous bâtira un château de cartes d'émotions et on fera tout s'écrouler d'ici la fin de l'émission. Hein? Super. C'est tentant de rester. un peu comme les émotions d'une certaine chanson de Radiohead. Qui, en tout cas, je reviendrai pas là-dessus. Qui est scrappée par... c'était qui, non? The Darkness. The Darkness. Ouais. Ou encore, on pourrait faire une blague de Lisa Leblanc encore parce qu'on s'acharne pas assez sur elle. Là, ben oui. Allez-y. Je suis à court de blagues. On dirait qu'avec les yeux qui m'ont fait, mais j'ai pas le goût. Hein? Non, pas le goût de faire de blagues sur Lisa Leblanc. Ben moi, il y a quelqu'un qui m'a servi pendant le temps des fêtes à ressembler à deux gouttes d'eau à Lisa Leblanc. C'est tout ce que je peux dire. Mais pas déplaisante. Non. Non. Non. En tout cas. Moi. Non, c'est parce que je voulais réinsérer. J'ai parti un running gag à l'Assemblage Requis il y a quelques mois, puis j'ai jamais réussi à replacer le mot, tu sais. Fait que là, je m'essaie, tu sais. Quelques mois. Ouais, moi, je sais, c'est long. Tu penses que les auditeurs s'en souviennent? Non, c'est ça que je le raconte, parce que je raconte beaucoup trop de détails. C'est que votre opinion envers Lisa Leblanc est biaisée, alors qu'elle est mal biaisée. Elle a marché! Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et Maxime Tanguay. Puis toi? Justa. Justa. Je me pratique en espagnol et mon nom Justine, c'est Justa en espagnol. Et Justa, c'est un nom de vieille madame, c'est l'équivalent de Ginette, genre. Voilà. OK. Wow. C'est le fun, hein? C'est le genre de truc qu'on aime apprendre dans la vie, hein? Quand j'ai appris, j'ai fait le saut. J'ai fait une grosse, un gros retour sur ma personne, une introspection assez profonde. J'ai découvert que j'avais une houston intérieure qui vivait, qui tricotait. J'ai une ginette en moi, ce que tu n'aurais jamais pensé dire. Parce qu'elle rentre pas. Ça va faire? C'était méchant. OK. C'est pratique, hein? C'est pratique, le nouveau chose bin? Oui, je suis chaissable au avec bois. Du poil, là? La chose avec du poil à gauche? Allô? La petite bête. Petite bête! Oh, on va t'apprivoiser, toi. Ah, mais bonne chance, hein? Ben, c'est ici, tu parles à des gens qui ont l'habitude de se côtoyer. C'est un petit peu plus que ça. Maxime, tu sais, s'intègre, là, vraiment, dans l'équipe à merveille. Oui, ben, je m'impose, moi, carrément. Tu t'imposes? C'est mon mode de vie, ça. Tu prends ta place. J'arrive, puis bang, je suis là. C'est ça, ça fait une bonne position. Il fait pas juste imposer, il implose aussi, le bang. Moi, là, ma mère a jamais été enceinte, moi je suis juste arrivé. Vite en affaire. Alors, on va y aller avec la seule et unique position qu'on va entendre dans ce bloc, c'est la sixième anglophone. Avec Mother Mother et Bit par Bit. Non. Wow! Maman, Bit par Bit. C'est chic, j'ai rien à dire à ça. C'est de la faute à Mathieu, c'est de la faute à Mathieu. Quand je pars une blague, elle a des redevances. Elle reste longtemps. Laisse cette trace. Je me la ferme, chérie. Parce que sinon, je vais chanter par-dessus la fille. I'm gonna get my bricks out in the sticks, bit by bit. I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da. Of a little wicked thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Donc, Mother, Mother! Ouais! Bit by bit, et selon des informatrices en studio qu'on ne nommera pas, qu'on nommera pas, mais semble-t-il que t'as fait une petite erreur, Mathieu, et que ce serait un chanteur et non une chanteuse. J'écoute Mother Mother dans l'auto sans cesse depuis des mois, et sérieusement, j'ai jamais remarqué que c'était pas une fille qui chantait. Mais en même temps, avec la, c'est une voix qui est très haute. Même si c'est un garçon, c'est une voix qui ça peut porter à confusion. Là. Probablement, oui. Moi, je porte pas à confusion. C'est là. Comme Tracy Chapman, le contraire. Je suis à 90% un gars vrai? Ou une grosse madame dégueulasse à 10%. Là. avec du poil. Quelle belle image! Ça rappelle mon ancienne voisine qui avait une vraiment une barbe. T'sais. Ah oui, c'est vraiment solide. En tout cas, à ce que je sache, c'est une femme, mais apparemment, je suis mauvais juge pour ça. avant d'entendre Mother Mother, on a sauté par-dessus la sixième position francophone. La sixième position francophone qui était Damien Robitaille avec Ta Maman Mamadou. Et avant ça, on a sauté. Et ton papa s'en fout. Et ton oncle a pas de rime pour aller avec son titre. Et ton oncle fait les ongles, je sais pas. Oh, on a sauté aussi par-dessus les septièmes positions. Du côté anglophone, c'était East Road avec October Road. Qui veut pas. Ah, ben, je vais y aller. C'était Trio avec Ladi Lafay. Le beat va marquer, ça va aller. Ah oui, un jour, il faut se roder. Tu sais, on n'a pas eu de camp d'entraînement, ben, un peu comme les joueurs de la LNH, mais vous voulez pas que j'en parle. Non, c'est banni, le hockey ici. Hein, Justine? Oh, ben, je savais pas. Ben, ça a l'air. Si ben, là, tu voulais parler d'hockey avec moi, fait qu'on met le sujet sur la glace. OK. Oh! Oh! Oh! Et on enfile ses patins et puis on se tartine. Allez, pars mon solo, pars mon solo. Les pieds, on se tartine les pieds. Et c'est les tartines, Justine! Que je m'ennuyais pas de mon intro. J'imagine, mais t'avais toutes les fêtes pour en trouver une autre aussi. C'est pas fait. Ben, c'est ça, mais là, on est en train de parler là, de peut-être une autre intro, mais on voulait ça pour une autre fois. Peut-être que si jamais mon intro a changé, c'est parce que finalement, je me suis écœurée de mon intro. Mais dites-vous que ça fait un an et demi qu'on dit qu'on va changer et qu'on la change pas, donc, tu sais, cuve pas ça. J'ai de la misère. J'ai des problèmes de procrastination assez intenses. Je devrais consulter, puis je le fais pas. Sans blague, là, je vous jure. Faudrait que je consulte, puis je le fais pas, puis ça scrappe ma vie. Wow, je pensais vraiment pas. Il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est la drogue, moi c'est la procrastination. Faire la vaisselle avant mes devoirs. Il faudrait être dans les PA, les procrastinateurs anonymes. Ah, ouais. Mais je voudrais même pas. Mais c'est même un petit là, peu moins comme... anonyme, là. C'est ouais, un petit peu moins anonyme. Ben même là, le procrastinateur, je veux dire, tu leur fixes un rendez-vous, ils sont pas là. Ouais, c'est ça. Ils font tout sauf ça. En place ça. D'appeler ça les tartines de Justine, c'est Justine procrastine. Oh! Bon nom chronique. Oh, j'aime ça! Oui! Oh! On change tout, la chanson, le titre, la fille! Mais c'est la nouvelle année d'ailleurs, cher auditeur, auditeur heureux. Ça se dit-tu avec un? Auditeuse. Auditeuse. Auditrice. Ben bonne peut-être. Année. Bonne année, grand nez au pluriel, parce que nez prend pas de S au pluriel. Je voulais pas que vous soyez mélangés. Je veux vous partager aujourd'hui de la musique que j'ai vraiment beaucoup kiffé en cette nouvelle année. Donc, pendant le temps des fêtes, j'écoutais un band qu'on m'a prescrit, tel un médicament. Et je vais vous partager le groupe Alt-J. Vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'il s'agit d'un groupe qui, de plus en plus, monte en popularité un peu partout, dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, un peu partout. Moi, j'ai trouvé ça avant de me le faire prescrire. J'en ai entendu parler sur Facebook. Hipster. Hipster. Ah! Ben, je suis une... Facester? Facester. Facester. Bookster? Non, un bookster, c'est réseau socialster. Ah, oh, sister. Je sais pas. Hein? Alt-J qui est un quartet. Un quartet ou un quartet? Un groupe de quatre personnes. Un groupe quartet. De quatre. Un quatuor. J'ai toujours pensé que c'était. Ou un quatuor aussi. Un mais... quartet. Quartet, c'est moi, c'est en anglais. Un c'est quatuor. Un quartet. Mais je t'assure, ça disait un quartet. Un carré ouais. Britannique indie rock. Mais tout d'abord, Alt-J. C'est que c'est ça. Pour dire en bon français, on m'a dit tout d'abord que c'était la prononciation d'un raccourci de clavier avec comme symbole le triangle utilisé sur l'interface OS X de Apple. Bref. On ne sert jamais de ce symbole-là sur le clavier, mais il est possible de le faire en tenant Alt et J en même temps. Alt J. C'est magique, hein? Je sais pas pourquoi d'avoir une signification en arrière de tout ça. Moi, j'aurais c'est pu m'appeler... Alt Justine. Ah! Alt Husta. Alt Husta. Ça, c'est ce qu'ils vont me dire à la prison quand je vais aller... J'ai un voyage au Chili d'organiser là, quand je vais aller en prison pour contrebande de... Conne carnée ou c'est une carnée? Non, aucune carnée. Pas de viande. Alt Husta. Là, ils vont m'envoyer en prison. C'est vraiment mauvais. Il fallait pas que tu me lances sur une... Je vous jure, je suis très, très facile à distraire. Je procrastine même dans mes chroniques. Ce que je voulais vous dire, c'était que le groupe s'est formé en 2007. Ils sont d'Alpodia. Et a été formé par des étudiants de Leeds University. À la basse et à la guitare, il y avait Gwill Sainsbury. C'est quoi ça? Gwill. Gwill. Comme Bear's Grill? Je sais pas. Si jamais j'ai un fils, je ne l'appelle pas Gwill. Hein? Au chant et à la guitare, il y a Joan Newman, pour être beaucoup plus conservateur. Au clavier, Gus Unger Hamilton. Gus Unger Hamilton. Quand je pense que Maxime est impressionné. Ah, mais honnêtement, moi, je vendrais mon char n'importe quand. En fait, je donnerais peut-être même. OK. Ah non, mais un autre même, on s'entend. Là. C'est Gus Unger Hamilton. Ouais, c'est ministre des Affaires externes. Mm-hmm. Non? Je sais pas. Quel genre de ministre? Ah, oh, là, c'est pas. Hein? J'essaie tellement de te suivre. Hey, Gwill Sainsbury, Joan Newman, Gus Unger Hamilton et finalement Tom Green aux percussions. Non, non, pas, pas le monsieur Green de Radiohead. Là, commence pas à capoter. Ou l'humoriste petit. Tom mais, Green. Oui, c'est plutôt Tom Green parce que... Tom c'est York. Ah, il y en a un Green, non? Oui, mais... Mais Tom York puis Shows Green. Ouais. Ben c'est ça, moi j'ai fait un mix des deux dans ma tête. Je parlais à l'expert mais c'est, de... En fait, il y a deux Greens. C'est Johnny et Colin. C'est des Greenwood. Mais c'est pas grave. Ah, gars-là étend ses connaissances encore. Non, mais moi, le premier mot qui m'est venu en tête quand j'ai vu Tom Green, c'était Radiohead. Puis toi aussi, je suis sûr. Non. Au travers de ton non, poil, en fait, non? C'est vrai. Non, j'ai revu la pochette du film Va te faire voir. Freddy Finger. Ouais, c'est Freddy Got Finger. Ouais. Freddy s'est fait mettre un majeur dans le derrière, genre. C'est-tu la France que ça fait comme ça? Ben, c'est Tom Green, en fait, l'acteur. Puis il a fait un film. Sais-tu quoi? Ça me dit absolument rien. Puis d'habitude, je suis bonne en acteur. M'a trouvé l'image. D'accord. Alors, pendant qu'il trouve l'image, moi, je vais poursuivre. C'est tout le temps très, très long, mes affaires. Tu trouves? Regarde-moi pas comme ça, s'il te plaît. Mmh. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont de la guitare, ils chantent, il y a des percussions, puis du clavier. Hein? Mais pour les curieux, à Leeds University, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils étaient étudiants en beaux-arts et en littérature anglaise. Bon. Oh, Tom Green. On monte la photo à la radio maintenant. On monte la photo à la radio. Tout le monde, mettez vos yeux dans vos speakers. C'est ça. Donc, Freddy Got Finger, le film. Mais allez voir ça sur Internet parce que je peux pas le décrire vraiment. Là, c'est un monsieur avec une barbe. C'est une comédie noire sortie en 2001. Bref, raciste. Bref. Oui, hein? Voilà. Revenons à nos moutons Alt J. Le groupe qui apporte un vent rafraîchissant, un vent de fraîcheur, excelle rafraîche haleine, à la musique moderne avec sa signature sonore multicouche qualifiée de folk dub pop planant qui rappelle des groupes tels Hot Chip, Wild Beast et Everything Everything. Oh. D'ailleurs, ils ont fait la première partie de Wild Beast récemment. En mai 2012, quand même 5 ans après leur formation, Alt-J lance son premier album, An Awesome Wave. Je pense vraiment, en écoutant l'album, qu'on peut qualifier leur album de un awesome wave. Une vague assez... Ça te va bien, toi aussi? Ahurissante. Awesome wave, parce que t'as un toupette. Awesome wave. Assez génial. Mes cheveux sont style awesome wave, comme l'album. L'album s'est d'ailleurs prévalu du British Mercury Prize 2012. Et plus tard durant l'année, en septembre, l'album fut lancé en Amérique du Nord. Bien entendu, parce que les Britanniques ont toujours la fâcheuse habitude de lancer leurs albums en Europe. Puis ils nous oublient pendant une couple de mois. Ils disent « Ah oui, vous êtes là! On va vous le lancer, votre part aussi! » On dit que l'album est parsemé de paroles parfois confessionnelles et saupoudré de références de certains films tels « The Good, The Bad and The Ugly oh. » et le fameux film « Léon ». Le professionnel de Luc Besson. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est le film préféré de ma mère. Bonjour, Linda. À chaque semaine, elle salue quelqu'un de sa famille. À chaque semaine, ma famille. À chaque semaine que tu viens, c'est-à-dire une fois par session. Deux semaines. C'est ça. Ouais, c'est... ça fait longtemps qu'on s'est vus, pour vrai. Ben oui. Ouais. Mais bonjour, maman, qui écoute en ce moment, ou peut-être pas non plus. Peut-être qu'elle m'a délaissée, elle ne m'aime plus. Mais ce sont notre cinéma. Et allons tout de suite écouter la chanson de leur album... An Awesome Wave, la chanson qui s'intitule Tarot, un petit peu comme quand on tire des cartes. Vous allez voir, la chanson rappelle beaucoup des sons arabes à un certain moment donné. Prêtez attention à ça parce que c'est très intéressant. Indo, China, Kappa, jumps to 2 feet, creep of the road. Two photo to record me. War. Their ancestors is chance. Oh, very yellow white flash of island red crimps. My swift light tears live like rats. Blush so high from the leak of a land. Mine is a watery pit. Painless with immense distance. From medic, from colleague, friend, enemy. From 5 yards from his leg, from his get you into my eyes. Last rattle, last chose. All colors and cares glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. Oh, the photographic more. 3.1415, alive, no longer my amour. Faded for home, mere 54. Doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, kappa dark. After nothing, reunited with his neck and with Utah. Soggy clothes and breeze blocks. Shitters in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Sleep, my love, my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. woman contained the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene, my love, love, love, but please don't go, I love you so, my lovely. C'était Breeze Blocks du groupe Alt J ou Triangle. Oui. Comme j'aime bien dire. Le groupe, dans le fond, c'est un symbole, vraiment. Une touche de clavier de Apple. Les gens ont décidé Alt J parce que le groupe a décidé ça ou parce que, dans le fond, c'est vraiment un triangle, t'aurais pu les appeler Triangle aussi. Une pyramide. Ça sonne pyramide. Ça... Puis en même temps, ça sonne égyptien, Moyen-Orient. Ou tu gardes le côté mystérieux, un peu comme le groupe Chic Chic Chic, que c'est comme trois points d'exclamation. Oui. Tu sais que personne sait foutrement comment on le prononce, tout. Mais la convention, c'est Chic Chic Chic, on dit. Chic Chic Chic! Chic Chic Chic! Ça, c'est un bruit qui, de lit qui grince, c'est ça? C'est ça? Ben, soit ça ou trois ongles sur un tableau. Yeah. Juste un après. Une fois que tu m'as dit que c'était des ongles sur un tableau, soudainement, le bruit me dérange. Oui, moi aussi. Mais je sais que dans la salle ici présente, vous avez le tous studio, vous guillemets. Avez tous senti les épices du Moyen-Orient dans la première chanson Tarot avec l'espèce de je suis pas capable de faire. Je pourrais te faire jouer la chanson si tu veux, ça serait peut-être meilleur. Mais il y avait des chameaux dans ma tête quand j'ai entendu la chanson au début. Combien de bosses? Un chameau, ça l'a deux bosses parce que ça a deux syllabes. Ben. Puis dromadaire, ça a juste une bosse parce que... Ça a trois syllabes. Dromadaire, c'est trop trois bosses. Ils ont déjà assez perdu de temps à prononcer le nom, ils ont mis juste une bosse. C'est ça. Mais tu sais, quand ils sont entre eux, les dromadaires, ils s'appellent Dro, tu sais. Dro. Et Dro, au lieu d'être Dro, c'est Dro. Au lieu d'être Bro, c'est des Dro. Ils se font des Dro 5. Ben, des Dro 3, mais en tout cas, sont... Ouais, parce qu'ils ont juste trois orteils, ça, je sais pas. Aucune idée. Ouais, mais c'est pas des cams, en tout cas. Une trois orteils, d'ailleurs. Trois qui est un chiffre inférieur d'un seul du nombre de personnes qui sont dans le band Al J. Quel lien incroyable. Wow. Pour retourner sur la piste. Sur la bosse. Al J. La piste des bosses, comme dans du ski. Les bosses de... Ah, de charmer mon petit Pierre Luc Brassard. Moi, je veux juste. Jean-Luc, comment c'est fait? génial. Ouais. J'ai quand même dit Pierre Luc, s'il vous plaît. Oui. Le poum qu'on a entendu, c'est Justine qui se frappe la tête avec son micro. Je t'ai à le mentionner. Ah, ça déraille tellement. Je veux juste finir ma chronique. Ça vaut tellement la peine de sauter 6 tonnes pour faire sa chronique, ça. Parce que ça fait ça comme moment, tu sais. S'il vous plaît, poursuis. Allez écouter Al J. Sérieusement, cet album est une perle. C'est vraiment extrêmement bien. C'est de la musique très raffinée, là, dans le sens que c'est tellement bien pensé, bien recherché. C'est plusieurs couches, plusieurs styles. C'est jouissif. Oh! Superbe! Superbe! Superbe! Il est mort. Oui, je sais. Oh non, non, on pleure encore. Oui, alors, c'était une référence de Radio Enfer. Le gros Giroux, le Dirou, là. C'est triste, mais ça m'a fait rire. Mais l'acteur est décédé. Ça n'a pas rapport à ça. Tu les yeux pleins d'eau. Oui. Oh, mais là. Oh. Je suis ému. Je vais pleurer. Il y est tout mort. Tout le monde, genre une minute de... On peut pas être quatre en studio, je pense. C'est trop. C'est trop de vraiment trop. Oh mon Dieu, tu pleures vraiment. Ouais, hey, désolé. Wow. Bon, merci Justine. C'est pour des moments comme ça qu'il faudrait vraiment installer une caméra dans le studio que les gens me suivent sur le web. Là. Et se donner une quatrième heure à l'émission. Oui. Ah oui. Ah, mais je suis sûre qu'on pourrait avoir un deal avec le service de la sécurité publique de l'UQTR. Il y a une petite caméra, là. On a juste à plugger sur un Wi-Fi, je sais pas quoi. Là. On va demander au directeur Giroux. Il est mort! Bon, c'est tout? Moi, j'ai fini ma chronique. Est-ce que tu restes un peu, tu sens là? Ben oui, je peux rester un peu. J'ai faim, par exemple. Fait que si vous commencez à entendre... C'est que je suis en train de manger le micro. Je pensais que c'était ton ventre sur un tableau. Non. Tu grattes ton ventre sur un tableau. Wow. Ben, en vrai, j'ai pas d'image. Pour qu'elle va te concevoir une image qui va avec ça. Veux-tu que t'en donnes une? Tu grattes le ventre sur un tableau? N'empêche que je peux-tu rapidement une anecdote. J'avais un professeur au secondaire que je nommerai pas parce que c'est encore un ami aujourd'hui. Mais il avait un gros ventre. Et il avait déjà écrit de quoi dans le bas du tableau? Il a commencé à écrire dans le... Vous voyez la suite venir. Mais c'est tellement classique, ça. Oui, c'est il y avait effacé. Ouais. Il y avait en plus un gilet noir. Y a-tu breveté son invention de gros bed efface à tableau? Étonnamment, vu qu'on a tous ri, on a eu un test surprise le cours après. Ah non! Ouais. On l'haïssait, mais avec beaucoup d'amour, en fait. Ah, je regarderais LOL si c'était des gags de même qu'il y avait là-dedans. Il mangeait-tu des glosettes, lui? Non, ben pas à ma connaissance, en tout cas. Mais il y a un référent drôle avec quelqu'un qui mangeait des glosettes. Le directeur Giroux. Il est mort! Il est mort, Rodolphe! Moi, les gens morts, j'ai oublié. C'est une farce. Je voulais pas créer un malaise. Là, c'est une farce. Déplacé. Hein. Vraiment déplacé. Pas sûr. Ouais. Est-ce qu'on avait des chansons de palmarès à me faire écouter? Parce que moi, je suis impatiente. Mais ouais, pourquoi qu'on te cite dedans? On est rendu au position numéro 5. Ouais, tout à l'heure, il y aura. Ça rentrera pas, ça. Crystal Castles tantôt avec Plague. Yeah! Mon début en cinquième franco. Avec Audionautes et La Tête ailleurs, avec une belle montée de 10 positions. Oh là là! Mais voyons donc, toi! C'est beau! Tu vas être en feu. Audionautes est en feu! In fire! C'est quoi? C'est un dinosaure qui crache du feu? Non, c'était... Ben, c'était un dragon? Ouais. OK. Vous êtes au palmarès, c'est fou, croyez-le ou non. Mystère de la vie. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 5. numéro 4. D'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. Carrie Moulette, l'amour à Assemblée Adroguée, c'est la position numéro 4 francophone qui monte de 2. On a sauté par-dessus la quatrième anglophone, n'est-ce pas, Maxime? Mazin. Comment, pardon? Mon Dieu, hey, Mazin, oui. T'as un petit poméranien dans la gorge? J'ai un petit poméranien. Merci pour l'effet sonore. L'effet sonore. Oui, on a quand même apprécié Plague de Crystal Castles, leur excellent album 3, entre parenthèses. Oui, en parenthèse. Ouais, c'est exactement ça. Oui. Puis on a débuté avec Ozionote, la cinquième position francophone, la pièce La Tête Ailleurs. Tu sais, je te pointe, mais clairement, j'ai déjà tout dit. La Tête Ailleurs. Oui, je saurais pas quoi dire de plus. Ça paraît. Parce qu'elle a la tête ailleurs. Il y a un silence, c'est ce qui montre que t'avais rien à dire de plus. Oh là là là là là là. Tension, tension. Oh, je pense que... Comment? Tension. Tension. Attention. Ah, bref. Allume tes sangs. Justine qui se fait aller le bras comme une douche baguette dans un bar. Et qui se magasine des chiens sur Kijiji ou je sais pas quoi. J'ai un V-neck en plus. T'as un V-neck mais en plus. Mais j'ai une chemise en dessous. Tu portes du Axe? Non. Bon, donc t'es pas douche baguette. À cache son Shaggy. Oh. Douche Baguetteville. Couche. À cache son Shaggy, mais où met-elle son Scooby-Doo? Ah! Oh! Oh! Oh! Ça veut rien dire du tout, mais c'est drôle. Non, on a toute une image de ce que pourrait être le Scooby-Doo, mais on en parlera tout. Mathieu! Le groupe prochain, trop! Ok. T'as Velma là-dedans? Non. Velva ou Velvita ou c'est quoi? Velva. Elle était à Velva. Velva. Mon vagin est entre de bonnes mains. Vous êtes fous. Arrête de pleurer. Vous méritez toutes des Scooby-Scoobies. Des Scooby-Scoobies. Est-ce que tout le monde comprend les références qu'on fait? Je pense que non. Mais ben, ceux qui sont nés probablement avant 92 doivent nous comprendre. C'est sûr que ça l'aide d'être né. Parce que oui, tu ne comprendras pas. Là. Bonne étape. Bonne étape. Oh. Bon. OK, Colin. Wow. Le temps file. Il nous reste encore le top 3 à entendre. Du côté anglophone, la troisième position sera occupée par, en fait, elle l'est en ce moment, par Young Rival et Black Popcorn qui montent de 6 places. Qu'on va entendre en troisième franco, vous pensez? Du côté franco, ben on va entendre Pat Michel de Gros Méné. Hey, puis savez-vous quoi? Ça a monté de 16 positions. C'est comme genre wow, tu sais, style aïe aïe. Pas à ma main et comme touche pas à mon Scooby-Doo. C'était passé la blague? Ouais, c'était trop tard, mais. J'ai rattrapé au détour. Hein? Ouais, ben ouais. Vous êtes au palmarès, c'est fou? Hein? Puis c'est fou pour vrai. Au 89 FM. Slogan de merde. On n'est pas AM. Je l'ai zut alors. C'est parce que tu t'es levé très tard. AM le matin. 89 PM. Je l'aime celle-là, PM. Très bon. Ouais, bravo. numéro 3. que c'était donc bon, ça, du Block Party avec Kiddling. Kiddling, Kiddling, Kiddling. Kiddling, Kiddling. Position numéro 2, monde 4. Yeah! Puis il y avait aussi mon pote. Hein, mon pote Michel. Mm-hmm. Pote Michel avec. C'était gros mené. Ben oui. Puis eux autres, ils ont monté de 16 positions. Tellement fort. On a sauté par-dessus la numéro 2, Franco. La numéro 2, Franco, Atomic Baobab, avec l'atterrissage qui était stable. Mm-hmm. Et on a. Hein? Il est encore là. Encore là. On a débuté le tout avec Young Rival et Black Popcorn. Raciste. Ça monte de 6 places. Là, vraiment, le temps presse. On a presque terminé. Il faut se dépêcher pour aller entendre la position numéro 1 Franco avant de se quitter. Et vous savez, avant le numéro 1, c'est des jeux de mots. Donc, je vais quand même faire le numéro 1 Franco en tant que jeu de mots, là, parce qu'à un moment donné, je sais bien que les gens veulent d'autres choses. Mais malheureusement, à part les jeux de mots, on n'a rien trouvé de mieux que ça. Là, je transforme mes feuilles de main en main comme ça changeait quelque chose. Hein? Comme ça rajoutait un suspense à mon jeu de mots. N'inquiétez-vous pas. La Terre n'arrêtera pas de trembler pour autant. Oh! Oh! Ouais, c'est trembler. J'ai vraiment, vraiment eu de la misère à la faire. Ouais. Je ne sais pas mentir. Non, mais c'est juste que tu ne l'as pas assumé parce que le contenu était là. Le contenu était là. Donc, on dirait que c'était coussi coussa. Ça va. Ah, Virginie Coussa. Qui a dit Virginie Coussa? Non, on n'a pas dit. Non, on n'a pas dit ça. Non. Par contre, j'avoue que cette blague-là, je l'ai fait souvent que je trouvais quelque chose Virginie coussi coussa. J'ai fait souvent cette blague-là. Personne ne la comprend. Quand je l'ai fait. Non, moi, je l'aime. Tu l'aimes? On pourrait l'utiliser la ensemble? Je veux dire, j'aime la joke. Parce et pour Virginie? Ben non. T'as trouves pas genre méga, super, giga canon? Ben, moi, je l'ai ajouté sur Facebook et elle m'a jamais addé. Oh! Bitch! Bitch! C'était écrit bitch. Perso, là, dessus, là. Virginie Coussa perso, là. Ben, ça t'apprendra. T'es pas son ami personnel. Non, mais pas moi, sur Fan Club. Moi, je suis amie avec Jem. Jem, tu sais, Jamila Benhabib. Je suis amie avec Jamila Benhabib. Puis elle, elle m'a accepté seulement 3 mois plus tard. Je pense qu'elle est en manque d'amis, elle, tu sais. Oh, bon. Wow. Hey, on écoute Tremblay, rien de mieux sur l'album. Ça va, vous avez tout compris maintenant. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé de mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé de mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. Que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. J'suis juste ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu restes jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé de mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé de mieux que ton corps qui se déshabille. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? C'est C'était la position numéro 1 du palmarès francophone. On va faire un petit top 3 récapitulatif en anglophone. Je vais essayer de vous donner le beat un petit peu en le faisant moi-même, d'accord? Numéro 3 anglo, c'était Young Rival et Black Popcorn. En deuxième, Block Party et Kettling qui monte de 4. Et on vient d'entendre, on va entendre pour se quitter la position numéro 1 qui monte d'une place Hunter Valentine avec Liar Liar. Pour le top 3 franco, est-ce que le top 3 franco, c'était Pat Michel, ouais. Roméné. On avait l'atterrissage d'Atomic Baobab, non pas leur atterrissage, mais bien leur chanson. Et rien de mieux de Tremblay. Mm-hmm. Rien de mieux. Stéphanie, il te reste rien encore? Hey, ben c'est pas grave, moi. Ben c'est ça. On peut te laisser le mot de la fin. Ouais. C'est quoi, mettons? Tournevis. Oh! Ah, c'est intéressant. C'est bien, original. À la fois original et pratique. Ouais? Oui, oui, oui. Sans tournevis, honnêtement. Non, tu prends un couteau de cuisine, si bon. OK, mettons, une drill. Tu prends un couteau de cuisine. Avec le malaxeur. Hey, mais merci pour vrai. Mon Dieu. Je vais poser mes cartes comme ça ce soir. Tes rideaux, je pense. C'est de ça que tu auras besoin en premier. Les rideaux, Steph, chez vous. Ouais, je sais. Hey, on remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Justine, merci. Là, l'affaire des rideaux, là, à ta minute, c'est quoi, tu te promènes tout nu dedans ton... Non, mais j'ai juste pas encore de rideaux ça, dans toutes mes fenêtres, là, pis... Ça dort bien le matin, ça, hein? Moi, j'ai procrastiné jusqu'à la fin. Il y aura... Arrête de parler italien, je comprends rien. la très connue phrase italienne... Badaboum, badabing. Badaboum, booba, booba. Bidabar, bidabar, bidabar. Up to booba. Oh, comment ça, on dit? Ça se parle avec les mains. Là. Ouais. Moi, j'ai rien à dire à part Badaboubi. Hey, on n'était pas serré pour finir? Moi, je trouve que oui. OK. Fait qu'on continue? Moi, c'est ça. C'est ce qu'on fait le plus possible. On aime ça dépasser de nos bornes, hein? Comme ouais. Geneviève, je dirais. Ça dépasse mes bornes. Oh, mon Dieu! Oh. Virginie, Geneviève. Brathwaite, il aime bien jouer avec les bornes. Hein? Ça me rappelle cette délicieuse anecdote du jeu 1000 bornes que j'ai joué avec ma famille. Hey, c'était tellement fun, ça. Je prenais tout le temps des crevaisons. Pas vrai? Hey, ouais. C'était écœurant, hein, ce jeu-là. Je jouais tout le temps à ça, mais avec ma grand-mère. On dépasse les bornes. Parlant de crevaison, j'en pneus plus. D'ailleurs, il faut se quitter avec un jeu de mots pour la pièce anglophone parce que c'est ce qu'on fait tout le temps et à un moment donné, il faudrait pas changer une bonne affaire comme ça. Quoique cette semaine, non, j'en ferai pas de jeu de mots. Ma menteur. J'en ai fait un. Menteur. Oh. Liar, liar de Hunter Valentine. Wow. C'était pas Jim Carrey? Aussi. Le masque. Ah oui, c'était bon ça. Le mais masque, ouais, le non, c'était pas le masque, là. C'était qu'il y avait un problème de mensonge. C'était pas le masque. Clairement, il va falloir que je fasse une version de mon thème de fin qui dure beaucoup plus longtemps que ça. Il y a un mané qui il pourchasse son enfant dans la oui, maison avec de quoi? La griffe! J'ai vraiment fait ce bruit-là. Ça fait fort aussi. Je viens de faire un accident à un conducteur, là. Je suis désolée. Justine, on te retrouve dans deux semaines. J'ai mal aux abdos. Pour ta chronique Justine procrastine, nouveau nom. Oui. Voilà. Il ne faut pas que je procrastine jusqu'à la dernière minute pour me trouver une nouvelle chanson thème. Non, parce que sinon on va faire un running gag pendant une autre année avec ça. Lol. Lol. T'as dit lal? Lol. Lol. Ça, c'est pour les... L-A-W-L. C'est ça que j'allais dire. C'est pour les Arabes. Et quand une blague, elle est à lal. Ra-ra-ra. Est à lal. Alal. Ra-ra-ra-ra-ra. Ça prend une moustache pour faire ce son-là. Rararararar. Oui. Raciste. Pour les gens à la maison, j'ai mis mon doigt sur ma lèvre supérieure pour faire une moustache. Une moustache de peau. geste universel en impro. Bref, merci, M. Plante. Bon. Est-ce que c'est ton temps rempli d'inconfortabilité à l'impro? Soyez-y ce soir, jeudi. Oui. 10 janvier. 10 janvier, 20h, Chasse-Galerie. Ça va être super le fun dans son équipe de Québec. Ça s'appelle le Kick. Ça va être le fun. Oui, et Stéphanie demandait tantôt si il allait se faire kicker le cul avec ça. Ah ouais, c'était bon, ouais. C'est à quoi j'ai répondu. T'es pas obligé de venir, on t'aime pas. Non. en fait, probablement qu'on va se faire kicker le cul, mais ça va être super agréable. Ça va être drôle. Ça fait combien de fois qu'ils viennent vous voir? Est-ce que ça fait kick fois? C'est la quatrième année pour vrai, mais. Je pense qu'il y a un kick sur vous, là. On a fait le tour, je pense. Oh boy. Et calme. Sur ça, je vous kick. Bon. On va aller partir une petite game de kickball. Là. Kickball, OK. Ouais, kickboxing. Hein? Kickboxing? Il faut que tu mettes un contexte à l'entour. Juste plugger des mots comme tournevis, ça marche pas tout le temps. Donc, on remercie non seulement Justine Renaud, aussi Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay. Je m'appelle Mathieu Plante. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h. On repasse les vendredis soirs à 17h. Après nous, si éventuellement on termine l'émission, ce sera le camarade B et son émission Sky Punka avec du ska, du oi, du punk et du ka. Ah, OK, du ska. Du punk. Titicoc? Ah, Titicoc! Clairement, ça ne finira jamais. On se quitte sur Roger Valentine, Liar Liar. Passe une belle semaine, comme je l'ai dit. Merci, les amis. Bye! Bye, bye! Ra! Ra! Mot de la fin. Tournevis! Keep my mind straight. I keep my mind straight.